dingo. Tu veux du son bingo? Pose un vélo, la ma technique sauf quelques salauds. Écoute, écoute, c'est la colère des banlieues vénères. Oh, au lieu de faire un casse, je fais du son de dingo. Mamou suspend, ça l'excite, son explique. Mais bon, maintenant c'est du son. Coute le BIP, c'est que le foulec, mec. Kelec, trocute, de chaque bec, texte, monstre. Comme un wow. Oh là là, mais comment il fait? T'as vu ta touffe, taré, on risquerait de aïaf, on est les roufs. Taré, prends ta matin mon taf. ATK, c'est 7 billets, impossible à plier. Qui déchaîne plus les foules que la secte du Templier. Tous liés ensemble, comme les 7 angles de l'heptagone. Faut que notre album sorte et soit numéro 1 dans l'hexagone. Ou même voir plus loin, là où notre voix pourra nous porter. Le monde est à notre portée, faut qu'on se passe porter. Mais je suis là pour faire bouger la foule, donc je veux t'entendre crier. ATK au heptagone, on lui tes œufs, ne fais pas prier. Cette vape là où on brûle, moi c'est une scie, un poil super. Une plume, on tente en une heure, toute une heure. Cette carrière des gainers, bouger en gainer. Mec, un gris mieux, aux grandes oreilles, typé, vrai gueuleur. Sur un micro, un peu vénère, mais dans la vie y'a cool. Pas de cagoule, un visage découvert. J'agis, génère mon énergie. Pour du congrès, c'est là, les gars, des là. Max de la roca, DJ Fitla, ta goette. ATK c'est le crew heptagonal qui pose sa gif sur l'hexagone. T'as pas fini d'entendre parler du clan qui forme l'heptagone. ATK c'est le crew heptagonal qui pose sa gif sur l'hexagone. T'as pas fini d'entendre parler du clan qui forme l'heptagone. Mais pas dans l'interstice si tu me cites, j'agis comme Kiss Kiss. Immise dans ma tête la pure lyrisse comme un déguise qui tourne dans ma cité comme la meuf dans le barrier. On pariait que ma gueule la vraie marché en billets. Un peu comme Hercule, sans prier donne on lâche les billets. Kiff kiff bedo, kiff kiff bedo. Comédie kick qui n'est faite, kiff kiff les go. Attaque à Mike armé à merde, lâche les cons. Sont comme ça, sauf c'est l'air, sexe, rime, rock, feu l'air. Oh, plus bon homme, ça monte à force. Los, c'est que j'innove mon rap pour plaire aux maquerelles. Pour qu'il parle plus de moi comme si on me traitait de crêle. Pas pour toi, pour heptagone si tu veux me cloner. Comme Dolly Stone, comme Aléry sur toi, comme Aïcha Coné. Trop de crête, couteau au cou, voulez nous mettre cette bande de cons. Mais bon, on a laissé parler, maintenant regarde. L'album lève des queues. J't'explique, le rap c'est jalousie, mensonge, hypocrisie trop large. J't'explique, le rap c'est pas fraternité. Clos, des dommages, trop de marge en plomb, j'en des conflits. On regarde plus les biceps gonflés. La formule c'est gun, fusil à pomper dans un coin, t'as fait ton feu, nous c'est à tes cas, c'est bien qu'on les laisse à tes cons pour tes noms. Pas de Tommy dans nos textes, faut qu'on ait une réputation pro. Mon rap dur comme Arco Rock et rap de l'Est. Passe plus de courroux, teste plus du 6 de l'heptagone. Rares sont les passes brutes de l'hexagone, j'éclore mon fouet. Formé par l'heptagone, qu'est-ce que tu croyais? Je reste fidèle à la plaque, les blocs pas, écrase les blagues, tandis que d'autres me plaquent. Mais rien à foutre, un jour tu verras que l'heptagone flotte. Les gars flippent, garde, on ne trouve pas de bloc. Le nègre habillé bishop, le black chip reste universel en verset. Qu'un peu que mon rap est universel. ATK, c'est le crew heptagonal qui pose sa griffe sur l'hexagone. T'as pas fini d'entendre parler du clan qui forme l'heptagone. ATK, c'est le crew heptagonal qui pose sa griffe sur l'hexagone. T'as pas fini d'entendre parler du clan qui forme l'heptagone. Yo, heptagone, Max de Paz, l'apocalypse.